Yippee-ki-yay, motherfucker. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Transmission qui a su se faire attendre. Je suis de nouveau en excellente compagnie avec mes collègues du Passeur Critique, Manuel Hesse, bonsoir. Bonsoir Olivier. Et Lucien Alflens, bonsoir. Salut. Aujourd'hui, on parlera de quatre gros morceaux de cinéma, avec certains morceaux plus petits que d'autres, mais Elle de Paul Verhoeven, Woody Allen avec Café Society, Pedro Almodovar avec Julieta, et enfin, on terminera avec The Nice Guys de Shane Black. Mais maintenant que le Barnum Cannois vient de se terminer, on a demandé à chacun de sélectionner un film qui était passé un peu sous le radar, qu'il avait envie de mettre en lumière. Bah, c'est un peu comme chaque année à Cannes, c'est souvent un petit peu dans les sections parallèles qu'on trouve des projets un peu plus excitants. Le jour même où tout le monde faisait le bilan, les Dardennes sont-ils finis, oui ou non, il y a un film qui était hors compétition, qui était un film coréen, réalisé par Hong Jin-na, qui est l'réalisateur de The Chaser et The Murderer, qui, à mon sens, un des réalisateurs coréens les plus intéressants qui est émergé sur la scène internationale ces dernières années. Un des cinéastes les plus intéressants, avec peut-être Bong Joon-ho, qui présente un film qui s'appelle Aujourd'hui The Stranger, et qui revient avec de nouveau un polar, mais un polar champêtre qui se déroule dans une intrigue qui pourrait faire penser à Memory of Murder, la grande œuvre de Bong Joon-ho, mais qui a l'air de se diriger vers un registre beaucoup plus fantastique. Merci. Et toi, Lucien, qu'as-tu ramené dans ta besace? Qu'est-ce qui t'a intéressé depuis ton petit coin liégeois? Je suis plutôt intrigué par le premier long-métrage de Julia Ducournau, qui s'appelle Grave, et qui est l'histoire d'une jeune végétarienne qui, lors d'un bizutage, se retrouve obligée de manger de la viande et sera tentée par plus par la suite. Très brièvement, je vais parler d'un film qui était présenté à la quinzaine des réalisateurs et dont on n'a pas du tout parlé, qui est le nouveau film de Anurag Kashyap, donc, qui avait été révélé à la quinzaine des réalisateurs avec Gangs of Wasseypur. Ce film de 5 heures en deux parties, qui était une espèce de film criminel dans une certaine tradition hollywoodienne, mais un film où sur plusieurs générations, on se bataillait pour deux pauvres rues dans le nord de l'Inde, et qui avait ensuite signé, à mon sens, un des polars les plus originaux et les plus noirs qu'on ait vu ces dernières années, enfin moi que j'ai vu personnellement, qui s'appelait Ugly, et qui était très très réjouissant sur ce point-là, très intéressant, et surtout au niveau de sa mise en scène d'ailleurs. Et donc son nouveau film a été présenté à la quinzaine des réalisateurs, il s'appelle Raman Raghav 2.0, si je ne me trompe pas, et au casting se trouve Niwazuddin Siddiqui, qui était déjà un acteur qui était déjà présent dans Gangs of Wasseypur, qui ici, dans le film, enfin tel qu'on peut le voir dans la bande-annonce, a l'air de signer une prestation de serial killer assez démentiel, et je fais confiance à Anurag Kashyap pour re-signer encore un polar noir comme l'enfer. Tu la raccompagnes? Ouais. Non, c'est pas la peine. C'est joli ton truc là. Tu vas au ski? Quand tu veux, je t'emmène. On devrait être encore ensemble. C'est de ta faute. Tu m'as quitté, Michel. Tu m'as frappé. C'est pas la première fois qu'il se manifeste. Tu pirates les ordinateurs perso de tous les employés. C'est grave comme infraction. Mais il y a un fou qui rôde. Non mais les fous, j'ai l'habitude. C'est ma spécialité. Tu t'es bien foutu de ce que je pouvais penser, hein. J'étais dans un déni étrange, mais maintenant j'y vois clair. La plus dangereuse, Michel, c'est tout de même toi. Donc, à 77 ans, Paul Verhoeven est en fin de retour, presque 10 ans après Black Book, et il est de retour avec ce film français qui s'appelle Elle, interprété par Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Virginie Efira, Anne Consigny, Charles Berling. Elle, c'est l'histoire de Isabelle Huppert qui s'appelle Michel Leblanc. Hein, elle aurait pu s'appeler Marie Lecomte ou Marie Dupont ou Durand. Et un jour, elle se fait violer chez elle. Et à partir de là, elle va avoir une réaction plutôt inappropriée, inattendue plus qu'inappropriée. On se pose au début la question qui l'a violée, mais fin de compte, ça a assez peu d'importance dans le film. Le film a été monté au début comme un projet américain. Et le problème du film américain, c'était que une volonté d'en faire un film de vengeance, ce que le film n'est pas du tout. Et au final, c'est plus une vraie étude de caractère qui passe par le personnage d'Isabelle Huppert, mais aussi par toute une galerie de personnages. Il garde une forme de suspense, c'est une question qui devient secondaire assez rapidement au final, et c'est ça qui est formidable. Ouais. Bah, il joue toujours avec cette idée de pourquoi elle n'est pas allée à la police, et tout tourne autour de ça. Qu'est-ce qui justifie dans le fonctionnement du personnage de ne pas être allée à la police ? La séquence où elle révèle ça à table, entre le fromage et le beurre, voilà, je pense que je me suis fait violer, et ça semble pas avoir plus d'incidence que ça pour elle. Quoi. Mais voilà, parce qu'en fait, ce que tu as dit, c'est pourquoi est-ce qu'elle va pas à la police, c'est surtout, mais qui est cette femme ? C'est ça le mystère du film. Et en fait, on ne saura jamais vraiment. Elle reste toujours un peu opaque, toujours, c'est ça qui est formidable dans le film. C'est l'image du film. Voilà, elle est opaque, elle est impassible, les choses glisse sur elle, elle est comme ça un peu inatteignable. Voilà, c'est un spectre quelque part. C'est quelqu'un qui traverse les émotions sans jamais être touché. Mais on se rend compte aussi au fur et à mesure du film que bah voilà, tous les autres personnages de toute façon sont du même acabit qu'elle-même. Il y a une scène qui contredit ce que tu viens de dire et que je trouve géniale. Je pense que si j'avais vu cette scène en dehors du film et qu'on m'avait dit voilà, c'est Hitchcock qui a mis en scène ce moment-là, ça m'aurait pas étonné. C'est la scène des volets, on va dire, qui est absolument en termes de mise en scène et de suspense hallucinant. Oui. Quoi. On n'est pas loin du baiser de Vertigo à ce moment dans cette scène entre les deux personnages où ils retrouvent cette emphase. On montre clairement qu'il y a une émotion qui la traverse. C'est peut-être le seul moment de tout le film, en effet. Une sorte de fou, tu sens que là, elle est complètement dépassée par ses émotions. Dépassée par ses émotions. Elle se rattrape. Très vite, mais il y a 5 secondes où moi j'ai comme l'impression, comme Manu, qu'elle est submergée par quelque chose en tout c'est cas. C'est vrai. Et puis en 5 secondes, elle rattrape le truc. Ah, moi j'avais juste l'impression à ce moment-là qu'en effet, elle avait envie en tout cas de quelque chose sans être dans le contrôle. Ça m'intéresse qu'on parle de cette scène parce qu'on a tous les trois, je pense, globalement adoré ce film. Mais quand tu parles de la scène des volets, bah là, ça m'éveille peut-être un des seuls griefs que j'ai à porter à ce film. C'est que, en effet, les moments qui sont transcendés dans le film par uniquement la mise en scène, en tout cas, je parle pas de ce qui se joue entre les personnages, mais de la mise en image pure, je trouve qu'on est souvent un peu... Dans un film français. Après, il y a peut-être une explication. Entre Black Book et elle, il a fait quand même un film qui était plutôt de l'ordre du téléfilm, mais sur ce film-là, il a expérimenté, du fait des contraintes d'un tournage assez rapide, le tournage à 2 caméras systématiquement. Et c'est ce qu'il a demandé quand il est arrivé en France. Il a demandé à Stéphane Fontaine, qui est le chef op d'Un Prophète, il lui a demandé justement s'il pouvait essayer de remettre en place cette dynamique-là, parce que justement, du fait de sa compréhension plus limitée du français, il avait besoin de mettre en place ce dispositif pour pouvoir capter à la fois des moments que lui-même n'aurait peut-être pas pris sur le vif, pour se permettre au montage derrière de retravailler beaucoup plus son film. Vous parliez de mise en scène relâchée. Moi, il y a un truc qui m'a frappé, c'est le génie avec lequel il utilise les portes, les fenêtres, les couloirs, tous ces trucs-là. Moi, quand je vois ça, je ne peux pas parler de mise en scène relâchée. Quoi. C'est d'une maîtrise. Il n'y a pas de moment comparable en termes de mise en scène à ce qu'on a vu auparavant dans sa filmo, mais ça reste un pur film de Verhoeven. Ça n'a pas toujours de biais par rapport à ce que tu attends dans les personnages, dans leurs réactions. Je veux dire, il y a un truc moi, qui m'a frappé, c'est la séquence de l'accouchement. Ça serait quasiment l'argument de base d'un film français, ce qui se passe au moment de l'accouchement. Ah bah bien sûr. Et on peut limite imaginer le scénario qu'aurait créé Christian Clavier pour ça. Il déjoue toutes les attentes que tu pourrais avoir vis-à-vis de ce genre de scène. Il démine complètement le type de conflit qu'on aurait dans un cinéma français vis-à-vis de ce type de ressort dramatique. Ce que je trouve vraiment incroyable dans ce film aussi, c'est que l'humour de ce film, il est fou, quoi. Isabelle Huppert, elle a des vrais punchlines. Il y a cette scène par exemple typiquement de la maternité qui est vraiment une espèce de scène premier degré. Il y a le même gag dans un film des frères Farrelly, quoi. Et aussi il y a tout un humour qui est ironique au deuxième degré sur la société française ou sur le cinéma français, qui est aussi hyper efficace et hyper pertinent, qui passe du rire à la tension en toutes les 30 secondes comme ça. Et dès la scène d'ouverture, t'as l'impression que Verhoeven te prend par la nuque et fait bam sur la table, tu vois. T'as l'impression qu'il prend un malin plaisir comme ça toutes les quelques minutes remettre une claque, tu vois. Et je pense que ça fait partie de la jubilation qu'il y a dans le film, c'est cette façon de dynamiter tout ce qu'on pourrait imaginer d'un film français. C'est un film jubilatoire, drôle, à la fois hyper intriguant, magnifique étude de caractère de personnage. Et moi, j'ai qu'une attente, parce qu'a priori, il est parti pour retourner un film en France, si ça se monte, un film sur Jean Moulin et sur la Résistance, et ça va être autre chose que Lucie Aubrac. Voilà, donc espérons que, croisons tous les doigts pour qu'il puisse monter ce film, et donc vous aurez compris que elle en adore. Love is not rational. You fall in love. You lose control. Wow, is that good or bad? No answer is also an answer. Socrates said, the unexamined life is not worth living. But the examined one is no bargain. Yes? Life is a comedy written by a sadistic comedy writer. Donc, Café Society, c'est le 46e film, je crois, de Woody Allen. Et donc, c'est l'histoire de Bobby, qui est interprété par Jesse Eisenberg, qui est un petit juif de New York, qui part à Hollywood pour travailler à la solde de son oncle, qui est interprété par Steve Carell et qui est un agent hollywoodien. Donc, tout ceci se passe dans les années 30. La rencontre de Woody Allen et de Kristen Stewart, la rencontre de Woody Allen et de Jesse Eisenberg. Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé, Lucien? On va peut-être commencer par toi, je crois que t'es le plus positif sur le film. C'est une toute petite chose, c'est une sucrerie, mais il a quand même une certaine cruauté envers certains de ses personnages, etc. C'est très léger. Moi justement, je trouve pas que le film soit léger du tout, et même pendant la vision, c'était quand même assez désagréable, parce que je trouvais que... Je trouve le film grossier, je trouve le film lourd, insistant... Quand Kristen Stewart donc revient à New York avec son mari et qu'elle a changé, etc. Cet enjeu là, il est vraiment mais c'est à la truelle quoi. C'est à la truelle. La description du personnage, c'est à la truelle. Et puis moi, pour le coup, en fait, j'y crois tellement peu à cette histoire d'amour parce qu'elle est tellement peu écrite. Cette alchimie auquel il essaie de faire croire, je trouve qu'elle marche par la grâce de la photo de Sorraro, mais c'est tout parce que en termes scénaristiques, je trouve qu'il ne la construit jamais. Kristen Stewart, qui est censée être l'amour de la vie de Jesse Eisenberg, on a cette séquence où il vient la voir, tu préfères qui ? Elle lui répond, et c'est tout. Et c'est tout, et tu renchaînes sur Black Abby parce qu'il faut trouver un intérêt conflictuel tout d'un coup que lui aussi se retrouve casé comme elle. J'ai l'impression qu'il passe plus de temps à travailler justement cette lumière, ce truc un peu mordoré, assez agréable à l'œil depuis 2-3 films. Et pourtant, je trouve les films un peu en dessous de ce qu'il a pu faire avant, comme s'il délaissait le reste pour faire des jolis objets. La séquence où Jesse Eisenberg attend une prostituée dans son motel, la séquence pourrait être très drôle, mais elle l'est pas. Jesse Eisenberg, t'as l'impression de voir un sous Woody Allen. T'as vraiment envie de choper Jesse Eisenberg et le cogner contre un mur parce qu'il est pas drôle. C'est vrai que Jesse Eisenberg en Woody Allen, il est pas génial, mais il y a un truc que je trouve passionnant chez Woody Allen, c'est le fait quand il joue pas dans ses films, il prend toujours un autre acteur pour jouer exactement comme lui le ferait. Mais il y a un truc que je trouve presque touchant là-dedans. Ben, tu peux pas t'empêcher de voir la comparaison, et pour le coup, ces personnages féminins étaient peut-être plus intéressants parce que la comparaison s'est posée moins. Mais sur les personnages masculins, c'est hyper prégnant, tu ne peux que voir la comparaison. Et la comparaison, elle est pas au niveau des acteurs, parce que t'as un bon acteur, mais la comparaison, elle est surtout par rapport au grand film de Woody Allen. Et typiquement, Café Society est un film très plaisant, très agréable, mais c'est un film totalement anecdotique. Il y a juste les séquences de rencontres amoureuses qui sont à la rigueur bien filmées, même celle avec Blake Lively, je trouve la séquence où il va dans un club de jazz et la séquence juste avant où il la drague. Ces scènes-là sont pas trop mal, mais tu dis ouais, la scène du club de jazz, machin, mais moi je vois l'éclairage, je crois pas du tout jamais à cette reconstitution, je trouve que tout est décoratif, je trouve que Carell et Stewart en personnages des années 30, on n'y croit jamais. On avait eu beaucoup de réserves vis-à-vis du frère Cohen, mais ça reste que pour le coup, le film justifie beaucoup plus l'époque dans laquelle il se situe. On va conclure ici sur le Woody Allen qu'on a malheureusement assassiné, mais vous aurez compris que c'est en réaction à l'engouement critique sur ce film. Mia, non me lo puedo creer, Julieta. Madre mía, qué sorpresa. Antti ha elegido su propio camino y usted no forma parte de él. Te vas. Te voy a dar mi vida. No veo a Antia ni sé nada de ella desde hace 12 años. Si no te vas, vas a saber. Siempre supe que había algo importante en tu vida. Julieta. Julieta, c'est le nouveau film de Pedro Almodovar, qui était de nouveau en compétition à Cannes cette année. Son retour après Les Amants Passagers, qui avait été pas très bien accueilli. C'est l'histoire de Julieta, comme le titre l'indique, qui est une femme d'un certain âge, je dirais au début de la soixantaine, et lorsqu'elle rencontre dans la rue une amie de sa fille qui a disparu de sa vie, elle va petit à petit replonger dans ce passé et on va petit à petit découvrir qu'est-ce qui c'est la vie de cette femme et comment ça se fait qu'elle s'est éloignée comme ça de sa fille. Donc Julieta est interprétée par deux actrices différentes. Il y a donc Adriana Ugarte qui fait l'actrice Julieta jeune et Emma Suarez qui fait Julieta plus âgée, autour de la soixantaine. Et Adriana Ugarte, à la différence de Kristen Stewart dont on vient de parler, est sublime. Est absolument sublime. Elle a pourtant une coupe totalement improbable, digne des années 80, mais elle est absolument magnétique. Le film joue aussi beaucoup des états physiques des personnages, puisqu'on dit effectivement que Julieta est interprétée par deux actrices. Il y a notamment une très très belle scène qui est ouais. celle, la scène qu'on voit dans l'affiche, même si elle est un peu détournée dans l'affiche, mais qui est la révélation de la phase un peu post-dépression de l'actrice, qui est vraiment une très très belle idée de cinéma, une façon de présenter un visage au spectateur qui est vraiment très très belle. En effet, il y a une certaine beauté de justement de cette jeunesse, de ce premier amour qui est sublimée par les comédiens qui sont en effet assez beaux, assez magnétiques à regarder. On retrouve vraiment un Almodovar sur des codes qu'on connaît, etc. Il y a une direction artistique géniale. Il y a des séquences qui sont vraiment flamboyantes, emportées, riches, tant au niveau de l'interprétation, de ce qui se passe, de la mise en scène, des couleurs. Et je trouve par contre, à côté de ça, surtout dans la deuxième partie, il y a des séquences qui m'ont paru extrêmement pauvres, qui sont très opposées à cette première partie, beaucoup plus flamboyante. Peut-être que c'est aussi dans le projet du film, parce que en fait, ce film, c'est quoi ? C'est l'histoire d'un personnage qui s'éteint. Moi, il y a un truc qui m'a dérangé un moment, et puis je trouve que le film détourne habilement ce côté-là. C'était comme quoi le deuil ne serait compliqué que dans la culpabilité qu'il peut amener. Et toute la première partie, qui est pourtant celle que je préfère, je trouve, tourne fort autour de ça. Comme si la seule douleur qu'il pouvait y avoir dans le deuil, c'était la culpabilité. Ce qui, je pense, n'est pas le cas. Et qui se délite un peu dans la fin. Et c'est l'intérêt principal que j'ai sur la fin, qui est très ouverte. C'est ça. Ouais. À partir du moment où Julieta décide de faire table rase de son passé, en fait, elle se retrouve dans des espaces qui sont bloqués. Je sais pas si moi ça m'a frappé au début du film, mais les comédiens jouent contre le mur, quoi. Ouais, ouais. Donc il y a pas de perspective, etc. Alors que justement après il ne fait que travailler justement cette perspective avec la fenêtre du train, les fenêtres de la mer. Mais on se rend compte aussi au fur et à mesure du film qu'il y a des scènes qui sont vraiment assez pauvres sur la fin. Je pense qu'il y a vraiment une question de volonté. Et tu parlais tout à l'heure de personnages qui s'éteint et le film s'éteint un peu. Moi, je trouve clairement le film moins passionnant dans sa dernière demi-heure. Parce que là, on dit première et deuxième partie, mais la première partie est quand même plus longue que la deuxième. Moi, je dirais plutôt le dernier tiers pour le. Ouais, c'est moi, c'est ça, le, ouais, c'est le ça. Dernier tiers qui s'effondre un petit peu par rapport à la flamboyance des deux premiers tiers, quoi. La première partie où on serait plutôt au présent, la deuxième partie qui est la partie la plus prégnante où on se plongerait dans le passé du personnage, et ce retour au présent est plus déceptif. Mais c'est vrai que c'est le bon mot, parce que tout ce qui est le mystère autour de la disparition de cette fille et la résolution de l'intrigue est aussi quelque part un peu insatisfaisante. Enfin, quand Julieta va dans les Pyrénées essayer de retrouver sa fille, on a une scène de révélation qui est aussi un peu insatisfaisante pour le spectateur. Mais justement, la dernière incarnation de la fille, de Julieta, et assez quelconque, c'est une actrice qui est beaucoup moins magnétique que les autres actrices que tu as vues pendant tout le reste du film. Après le départ et la mort d'un des personnages, le film quand même s'effrite beaucoup, parce qu'on se retrouve avec un personnage tiers qui a disparu du récit, qu'on ne va plus jamais revoir. C'est comment gérer ce personnage absent qui occupe la problématique vraiment du dernier tiers du récit. Tout le début du film nous dresse le portrait de la relation entre le père et la mère, la fille est plutôt reléguée au second plan dans cet aspect-là, et elle repart au premier plan dans le dernier tiers, et elle est absente. Et c'est assez compliqué de construire un film sur un personnage qui a complètement disparu du récit. Mais en même temps, c'est ça le projet de son film, c'est-à-dire que en fait, c'est pas le personnage de la fille qui l'intéresse, c'est le personnage de la mère. Oui, c'est difficile d'en parler sans spoiler, mais vraiment, le film s'intéresse au portrait de Julieta et pas de sa fille, quoi. J'ai entendu dans la presse que c'était sans doute le premier film de la vieillesse pour Almodovar. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour moi, c'est plus un retour à cette période charnière qui a été celle de Tout sur ma mère, de Parle avec elle. Moi, la première heure, je ne l'ai pas vue passer. C'est vrai que la dernière demi-heure, comme elle est un peu plus déceptive, comme vous disiez, on la voit plus passer, on sent le temps passer. C'est moins vivant que la première. La première heure passe en 5 minutes. Quoi. Moi, j'ai vraiment eu l'impression de rester une demi-heure dans la salle de cinéma. Alors que c'est quand même un film qui fait 1h30, 1h40. Il fait, je crois, quasiment la même durée que le Woody Allen. Mais j'ai pas eu ce sentiment de longueur tel que je l'ai eu dans le Woody Allen. Très bien. Ben voilà, donc vous aurez compris que le Almodovar nous a plu. A couple of people say you're a pretty good detective. That's a lot of work. I want you to help me with this case. My profession's very complicated. It's very nuanced. Well, look who decided to show up for class. This is a high-profile case. You seen this girl? Name's Amelia. What's in it for me? We can do this the easy way. Ow! We're currently doing it the easy way. Dex, there's like whores here and stuff. Sweetheart, how many times have I told you? Don't say and stuff. Just say, Dad, there are whores here. Where are you going? I think this is gonna work better if we split up. Wow, that's really insensitive. Donc nous parlons de The Nice Guys qui a été présenté hors compétition à Cannes et donc qui est le retour de Shane Black derrière la caméra avec Ryan Gosling et Russell Crowe. C'est l'histoire de deux détectives qui vont être mêlés à une affaire qui se passe dans le milieu du cinéma porno dans les années 70 aux États-Unis. Et donc, qu'avez-vous pensé de The Nice Guys de Shane Black ? S'il y a quelque chose qui est notable avec Nice Guy, c'est d'un coup tu te rends compte, mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un film aussi bien écrit, dialogué ? La comédie américaine, aujourd'hui, quand elle est représentée par du jeu d'Apatow, etc., elle manque de concision. J'adore jeu d'Apatow, mais j'ai toujours ce sentiment de film qui traîne un peu trop, qui hésite toujours sur sa durée, en fait. Le film de Shane Black est un film millimétré, parce que c'est... Et on se rend compte à quel point la plupart des films qu'on voit aujourd'hui sont pas écrits ou peu écrits. Il reste quand même quasi systématiquement dans sa zone de confort, Shane Black. Je serais quand même curieux de le voir sortir de ce schéma qui fonctionne systématiquement parce qu'il le maîtrise à merveille, mais je serais curieux de le voir faire un truc qui n'a rien à voir. Il réutilise quand même systématiquement la même matière, le même concept, le même schéma. Ouais, mais il le fait évoluer parce que je veux dire... Oui, bien sûr, mais ça reste... C'est un buddy movie, mais les personnages sont quand même beaucoup moins antagonistes que par le passé. T'es beaucoup moins dans cette opposition caricaturale entre les personnages. Au final, ce qui pourrait être l'argument comique du film, ou le personnage de Sidekick, qui a priori plus le personnage de Ryan Gosling, est en fait le personnage principal. Il y a quand même de multiples variations, et son film est quand même le plus ouvertement comique. C'est un film avec... énormément de scènes drôles, énormément de gags, énormément de punchlines, etc. Les personnages sont drôles. Et il est placé dans un contexte qu'on connaît bien, l'Amérique des années 70. Il se situe un petit peu quelque part dans un schéma à la Big Lebowski, où le décorum du film apporte énormément aussi au film. Mais à la différence d'un film comme The Big Lebowski, que j'adore, c'est que dans The Big Lebowski, on se perd dans l'intrigue à dessein, je veux dire, c'est voulu, on se perd dans l'intrigue, l'important c'est juste la profusion de personnages, de décors, de situations, et c'est ça qui crée l'intérêt du film. Ici, il y a ça, mais il arrive aussi justement à ce que son intrigue reste hyper carrée, et on s'attache autant au personnage qu'on est attaché à l'intrigue et à tous les rebondissements qui vont se passer. Et c'est justement dans cette mesure-là, dans cette balance-là, que je trouve que le film est vraiment très très réussi, quoi. Puis il faut aussi peut-être aborder un truc, c'est Ryan Gosling. Ryan Gosling, on l'a rarement vu aussi bon. En tout cas, il montre un espèce de timing comique qui est quand même assez incroyable. Il est vraiment le personnage du film qu'on retient, auquel on s'attache le plus. Il est à crever de rire, Ryan Gosling, dans ce film-là. Quand il se coupe la main au début du film, c'est à tomber par terre, quoi. Et tout d'un coup, tu te rends compte d'un acteur qui peut être complètement transfiguré par le regard d'un metteur en scène, parce que c'est vraiment un film de metteur en scène, c'est pas juste un film de scénariste, c'est un grand scénariste, mais il y a beaucoup de scènes dans son film qui sont des scènes qui fonctionnent énormément vis-à-vis de la scénographie dans laquelle il les met en place. Il y a des gags qui ne sont uniquement et purement visuels. Oh ouais, tout à fait. La chute quand ils sont dans l'ascenseur, l'ouverture de l'ascenseur, qu'est-ce qui se passe quand ils sortent de l'ascenseur, etc. Toutes les chutes. Toutes les chutes. C'est vrai qu'il y a énormément de chutes dans le film. Ryan Gosling, c'est un mec qui... C'est un nice guy, vraiment. C'est un bon gars. Mais c'est un nullos complet. C'est un foireux. Ouais. C'est un foireux. Et le fait qu'il tombe tout le temps, ça le ramène... Enfin, physiquement, ça le ramène aux caractéristiques de son personnage, qui est un personnage qui s'écroule tout le temps. Il y a un jeu sur le fric, le chèque que signe Kim Basinger, qui donne lieu à un moment très drôle, mais qui en dit aussi assez long sur ces personnages. Ces personnages sont complètement marginaux, sont complètement en dehors du système. Et c'est des personnages qui ont de vraies valeurs morales, mais qui ont dû les rabaisser plus bactère par leur parcours, par leur rapport au monde. Moi, je trouve qu'il y a une séquence qui est géniale, qui est la séquence sur le manque de flair du personnage de Ryan Gosling, qui est amené comme un gars, grosso modo, t'es un détective, mais t'as aucun nez. Il y a une scène derrière qui est hyper émouvante et qui déconstruit le personnage de... tel que tu le connais, de Ryan Gosling, et c'est super fin. Mais voilà, peut-être que là, on arrive justement à un nœud peut-être du film un petit peu plus problématique, c'est qu'on disait tout à l'heure que ici, les sidekicks, enfin les deux personnages, sont moins en opposition que par le passé, et voilà, maintenant qu'on vous parle du film, on a parlé que de Ryan Gosling, et on n'a pas du tout parlé de Russell Crowe, parce que je trouve que, justement, dans le film, le personnage de Russell Crowe, c'est un personnage qui est assez faible. On va retenir d'abord le personnage de Ryan Gosling, le personnage de la fille de Ryan Gosling. Mais le personnage de Russell Crowe, finalement, il est très peu caractérisé et très peu typé. C'est le point d'entrée dans le récit, en fait. Le film commence avec lui et c'est vraiment ça. Alors que ça pourrait être le touch guy d'un autre buddy movie, en fait, il est plus là pour nous introduire à ce monde-là. Dans son interprétation aussi, il est beaucoup plus en retrait. Que Ryan Gosling. Russell Crowe qui a d'ailleurs pris un sacré coup de vieux quand même. Il a quand même pris un sacré embonpoint. Donc vous aurez compris qu'on vous encourage très très vivement à aller découvrir The Nice Guys de Shane Black en salle. Dépêchez-vous tant qu'il est encore temps. Et avant de passer au conseil, on va tout de suite refaire un tour du côté de la cave du docteur Rezzo qui va nous parler de deux fanzines consacrées au cinéma bis. L'ordonnance du docteur Rezzo. Connaissez-vous Raphaël Delpar ? Il y a de grandes chances que non. Pourtant, l'excellent fanzine Vidéautopsie lui consacre un dossier de près de 50 pages. Derrière cette publication, il y a David Didlot, une des stars de la galaxie du cinéma bis. Sa plume déborde des pages de son fanzine dont il tient la barre depuis plus de 20 ans. Les sorties sont erratiques, mais à chaque fois, c'est un événement. Et ça ne lui suffit pas, car le Gaillard vient de sortir un bouquin fascinant sur le réalisateur ô combien infréquentable qu'est Bruno Mattei. Revenons à Raphaël Delpar. Le bonhomme est le réalisateur de La Nuit de la Mort, obscure pellicule horrifique de 1980, l'une des premières sorties de Charlot de Turckheim. Et oui, elle s'y fait découper joyeusement après une vingtaine de minutes, mais ça ne l'empêche pas de cracher dès qu'elle peut sur ce qu'elle considère comme une erreur de jeunesse. Bref, Vidéautopsie dissèque le film. Didlot évoque son tournage, son casting. Il nous rappelle qu'une légende veut qu'un film porno a été tourné dans le même château et surtout en même temps. À la clé enfin, une interview plus que sympathique du réalisateur multitalent qu'est ce Raphaël Delpar. Car dans Vidéautopsie, point d'ironie ou de cynisme, la culture bis est abordée avec tout l'amour que les auteurs lui vouent. Et Vidéautopsie se lit comme un roman. On s'attache au personnage, on se prend d'affection pour Léon Despère, auteur de romans sadomaso des années 90, qui avoue avoir écrit ses romans d'une main. On s'attache aussi à Serge Leroy, réalisateur un peu oublié du cultissime La Traque ou de Attention les enfants regardent. Bref, du lourd, du passionnant, du revigorant bien français monsieur dans ce numéro indispensable de Vidéautopsie. Dis donc, t'embrasseras... Serge. Serge pour moi, voilà. Tu me le présenteras ? Promis. Bon courage. Salut. Ben, monsieur Léon, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire on ne bouge pas. Et on lève les bras ? Ah, ris donc, pauvre conne. Bah dis donc. On ne bouge pas ! Monsieur Léon ! On ne bouge pas ! Comment ça alors ? Vous m'avez frappé, et ben moi, je salue votre robe. Regarde-moi ça. Moi j'ai plein dans la dirlo, hein. Bah t'aurais peut-être pas dû le frapper. Toi tu commences à m'agacer avec tes airs de Sainte-Nitouche. Autre acteur incontournable du fanzine abyss, Médusa Fanzine. Alors là, bienvenue dans l'orgie cinéphilique de Didier Lefebvre. 27e numéro pantagruélique de cette somme incroyable qu'est Médusa. Des dizaines de péloges, qu'elles soient américaines, anglaises, françaises, mais aussi turques ou grecques, introuvables ou inconnues, sont chroniquées, avec une mise en page qui n'a rien à envier à la presse mainstream. On y trouve aussi un dossier sur le crimi allemand. Alors là, faut s'accrocher. Mais au bout des 30 pages, vous saurez tout sur ces séries B allemandes de l'après-guerre. Au menu également, de l'exploitation suédoise, du bis norvégien, du jazz franco ou du Jean Rollin. Enfin, pour les plus troublés d'entre nous, l'incontournable chapitre « Belle Foufoune et Jude Roupette » ou la section sur l'exploitation allemande qui revient sur des œuvres aussi mémorables que « J'ai avorté, monsieur le procureur » ou « C'est la queue du chat qui m'électrise ». On ne le répétera jamais assez, Vidéotopsie et Médusa tournent à l'affectif. C'est ce qui en fait leur valeur. C'est drôle évidemment, mais ces deux fanzines ont trouvé l'équilibre parfait entre hommage, analyse distancée et fanservice. Du bien bel ouvrage, décidément. Merci Docteur Redzo, et donc maintenant, pour conclure, c'est l'heure des conseils. Et donc, as-tu sélectionné, mon cher Lucien ? Bon, ça a quand même un lien avec l'actualité, puisque je vais parler de... David Bowie ? De David Bowie, comme chaque mois. Non, mais de la sortie en DVD en Blu-ray de Love Streams de Cassavetes, qui ressort dans une très belle édition, voilà, chez Wildside. J'ai aucune analyse, c'est juste... Pour moi, c'est un rapport direct avec ce qui se passe à l'écran, pas de distance entre les deux. C'est ça qui me frappe chez Cassavetes en général, et particulièrement dans celui-là. Donc il te touche droit au cœur, tu veux dire, comme s'il te parlait directement dans l'oreille, qu'il chuchotait dans l'oreille. C'est exactement ça. Ok. Manu, qu'est-ce que tu as ramené, toi ? Alors moi, je vais parler un peu binge-watching. Je vais vous parler d'une série Netflix, qui est la série Marseille, qui était vraiment attendu au tournant, avec un casting assez prestigieux, Benoît Magimel, Gérard Depardieu, à la mise en scène, Florent Emilio Seri, qui a réalisé, à mon sens, le meilleur film français de ces 10 dernières années, qui s'appelle Clo-Clo. C'est une série qui a ses défauts, mais qui est quand même, la réception est assez disproportionnée vis-à-vis du résultat final. C'est une série profondément vulgaire. Si on passe outre cette vulgarité de premier plan, Marseille est une série plutôt brillamment mise en scène, avec de vrais moments de cinéma. Gérard Depardieu est exceptionnel dans la série. Il est quasiment de tous les plans et il est brillant. Ça ne mérite pas la suspicion par beaucoup de gens qui n'ont pas encore vu la série et qui déjà s'apprêtent à ricaner sur ce qu'elle serait. Moi, je pense que je vais vous conseiller cette fois-ci parce que je me plie vraiment à l'exercice, hein, pas de film. Je conseille encore une fois une chaîne YouTube qui est la chaîne de Tony Zhu qui s'appelle Every Frame a Painting. Olivier ne regarde plus de films en fait, Olivier ne regarde que YouTube. Oui, voilà. C'est un type qui est monteur, je crois, dans la vie et qui fait des petites leçons de cinéma entre 5 et 10 minutes. Il fait des vidéos où il analyse des extraits de films ou alors plutôt l'art cinématographique de quelqu'un, un peu comme il a fait une vidéo sur Kurosawa, une vidéo sur les frères Coen, qui sont extrêmement intéressantes et extrêmement instructives à chaque fois, très très bien rythmées. Il explique les choses vraiment très clairement. Voilà. Merci beaucoup Lucien Alflantz, Manuel Asse pour ce troisième numéro de Transmission. On espère que vous aurez aimé nous écouter, que vous serez d'accord avec nous ou pas d'accord, et que si vous n'êtes pas d'accord, on espère que vous le direz, que vous vous exprimerez, parce que Internet c'est beau pour ça, on peut s'exprimer, c'est génial. Voilà, et donc à bientôt.